l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il faisait le plus souvent. ولكن قد ورد انه صلى بالقصار كذلك. Cependant, il a aussi été rapporté qu'il a cité, qu'il a récité de petites sourates aussi pour le fajr. Comme donc dans Sunan Abi Daoud, Az-Zalzala, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a récité à chaque raka'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a récité à chaque raka'a. À tel point que le rapporteur il dit حتى أني قلت أناسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. À tel point que je me suis demandé est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم il a oublié, il a récité la même sourate deux fois. Mais la base c'est qu'il récitait longuement le prophète صلى الله عليه وسلم pour la prière du Fajr. On va arrêter là pour aujourd'hui inshallah, et demain بإذن الله on commence, on verra deux autres hadiths demain inshallah. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا.